Bonjour. Bonjour Alpha, bonjour. Je suis bien ravie de vous voir et de voir cette collaboration ensemble, même à distance. Donc, c'est une occasion de nous réunir ensemble et de connaître d'autres amis et camarades de votre part là à Aix. Donc, ça nous fait vraiment honneur et on est bien ravis de vous avoir avec nous, même à distance à travers l'écran. Là, on est en train de poursuivre ce que vous êtes en train de présenter à propos de l'archivage. Donc, madame a présenté ce qui est de l'état de la France concernant l'archivage. Monsieur le directeur de l'Archive nationale ici à Tunis nous a présenté les lois qui organisent les opérations qui gèrent tout ce qui est lié à l'archivage en Tunisie. On restera à l'écoute, donc s'il y aura des questions de la part de nos étudiants chercheurs, bien sûr, on ne va pas hésiter à les poser. Nous sommes à l'écoute, j'ai voulu intervenir donc, pour vous souhaiter une bonne collaboration. Merci Alpha. J'espère aussi qu'on pourra continuer à faire des visioconférences entre la prochaine fois, ce sera nous qui vous écouterons.